Unité 6. Tâche 1 A. 1. Donc à l'époque, dans le bâtiment où je travaillais, il y avait un commissariat. Et un policier m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait eu des attentats contre le World Trade Center. Donc comme c'était un type pas très sérieux, j'y ai pas cru au départ. Et puis alors le gars m'a dit de venir voir la télé. Et donc quand je suis arrivée au poste de police, la télé était allumée et tous les policiers la regardaient. Alors moi aussi je suis allée voir et une des tours était déjà tombée. Donc j'ai dû rester 2 minutes et puis je suis vite retournée dans mon bureau pour raconter tout ça à mes collègues, quoi. 2. Je me souviens précisément. J'étais en 3e et je rentrais chez moi après le cours d'histoire. Je suis arrivée, j'allumais la télé juste au moment où la première tour est tombée. Ça a été un choc terrible parce que pour moi, New York, c'était un mythe. 3. Je m'en souviens comme si c'était hier. Moi, je rentrais du lycée et j'écoutais la radio dans la station de métro. Mais avec le bruit, j'ai seulement entendu quelques mots. New York, avion, tour effondrée. Je n'étais pas sûre d'avoir bien compris. Cela me semblait impossible. J'ai dû attendre 3 quarts d'heure avant d'arriver chez moi pour comprendre. Quand je suis arrivée à la maison, mon père était rentré du travail pour suivre les infos. Et là, j'ai vu les images. 4. Alors moi, j'étais chez moi, dans mon fauteuil, en train de lire et d'écouter de la musique à la radio. À un moment donné, entre 2 chansons, il y a le présentateur qui annonçait que des avions avaient percuté les tours du World Trade Center et le Pentagone. Comme il s'agissait d'une radio jeune et branchée, j'ai pensé que c'était une blague, j'y ai pas fait attention et puis j'ai continué à lire. 5. Moi, j'étais chez mes parents et j'étais partie me promener. Quand je suis revenue, ma mère regardait la télé, mais on ne voyait pas grand-chose. De la fumée qui sortait des tours, la deuxième avait déjà été frappée. J'étais dans tous mes états. Je savais que j'assistais à un moment historique, là, en direct. 6. Bien, j'étais au boulot et je passais dans un couloir quand un collègue me dit « Va voir sur Yahoo, ils annoncent qu'un avion a percuté le World Trade Center. » Je lui ai dit « Oh mince, mais je n'ai pu rien voir car en essayant de vérifier ce que je pensais être une mauvaise blague, en rafraîchissant l'écran, quoi, il a planté. Impossible de me connecter à un site d'info. » Or, j'ai recommencé à travailler, mais j'étais inquiet, quoi. Et finalement, je suis rentré très tôt à la maison pour découvrir la suite des événements. Voilà.